Boum boum. Oh, mais c'est vraiment c'est parti. Si vous n'avez besoin, il faut trimer. Et tout le monde le sait, il faut toujours, toujours et encore plus. C'est ton patron qui te dit de partir chez pas de rapide. Toujours accéléré pour la rentabilité. Toujours pollué, tant pis pour la santé. Reste au carnaval pour la sécurité. Yeah. À cause de cette lassitude, la route des instincts, tu es prisonnier du vaisseau dont veut le chêne. Elles sont rouillées. Allez. Il faut toujours, toujours et encore plus. Il faut toujours, toujours et encore plus. Toujours. Choisir, essayer de trouver un chemin pour s'évader, partir, oublier ou renoncer. Mais à quel prix? Olé! Où rentre la raison pour essayer de faire une vie? Mais à quel degré? Car il faut toujours, toujours et encore plus. Toujours, toujours et encore plus. Il faut toujours, toujours et encore plus. Toujours plus. Toujours accéléré pour la rentabilité. Toujours plus et tant pis pour la santé.